Oiseaux de malheur, dévoreurs de cadavres, propagateurs de peste, emblèmes des voleurs, compagnons des sorcières, le corbeau si prompt à la flatterie chez La Fontaine a été au cours de l'histoire européenne craint, honni et souvent massacré. Mais depuis une vingtaine d'années, ce que les ornithologues soupçonnaient depuis bien longtemps a été petit à petit confirmé par l'expérience. Les corbeaux et leurs cousins seraient non seulement les plus intelligents des oiseaux, mais pourraient bien être plus malins encore que les primates, à tel point qu'on leur préfère aujourd'hui à oiseaux de malheur le sobriquet de grands singes à plumes. Malin comme un corbeau, c'est l'énoncé du problème qui va nous occuper dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour réhabiliter les corbeaux et toute leur famille et comprendre en quoi leur intelligence peut nous éclairer sur la nôtre, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui en duplex depuis les studios de nos collègues de France Bleu Alsace à Strasbourg, Valérie Dufour, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse en éthologie dans l'équipe d'éthologie cognitive et sociale au CNRS à Strasbourg. Donc, vous êtes primatologue de formation. On verra que ça a son importance. On en reparlera tout à l'heure. Et nous sommes ici à la Maison de la Radio à Paris en compagnie d'Agatha Liévin-Bazin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes doctorante au laboratoire éthologie, cognition et développement de l'Université Paris-Nanterre et à l'Institut Max Planck d'ornithologie de Zeewezen, mais vous allez le dire mieux que moi. De Zeewezen. Zeewezen, autant pour moi. Eh bien oui, je ne suis pas germanophone. C'est près de Munich en tout cas. Vous pouvez suivre l'émission en direct, évidemment, sur les ondes, sur Internet et sur le fil Twitter de La Méthode Scientifique en vous abonnant à notre compte, @laméthodefc. Les oiseaux n'ont attaqué que lorsque les enfants étaient sortis de l'école. Des corbeaux, je crois. Oh, mais je ne sais pas, papa. Est-ce qu'il y a une différence entre les corbeaux et les merles? Il y a sûrement une différence, mademoiselle. Je crois qu'en fait, c'était des corbeaux. Oui, des centaines, je te l'affirme. Oui, ils ont attaqué les enfants. Ils les ont attaqués. Le corbeau est un Corvus brachyrhynchus et le merle est un Euphagus cyanocéphalus. Je ne vois pas quelle différence ça fait, Madame Bundy, que ce soit des merles ou que ce soit des corbeaux. Si l'école a été attaquée, c'est extrêmement grave. J'ai peine à croire que l'une ou l'autre de ces deux espèces ait une intelligence suffisante pour lancer une attaque massive. Voyez-vous, leur boîte crânienne n'est pas assez grande. J'arrive à l'instant de l'école, madame. J'ignore tout de leur boîte crânienne, mais... Eh bien, moi, je sais. Il se trouve que l'ornithologie est ma grande spécialité. Les oiseaux ne sont pas agressifs, mademoiselle. Ils apportent de la beauté dans ce monde. C'est plutôt l'espèce humaine qui s'évertue et prend plaisir à rendre la vie difficile sur cette planète. Et s'il n'y avait pas les oiseaux... Vous ne semblez pas comprendre, madame Bundy. Cette jeune femme dit qu'il y a eu une attaque contre l'école. Impossible. Et pourtant, la suite du film montrera qu'il y a bien eu attaque et une attaque générale. Tout est dit, hein, vous aurez reconnu bien sûr le film d'Alfred Hitchcock, Les Oiseaux, et vous entendez tous les préjugés qui sont égrenés sur ces pauvres corbeaux méchants, bêtes et agressifs. Leur boîte crânienne n'est pas assez grande. Et s'il faut dire que Agatha Liévin-Bazin, eh bien, ces corbeaux, c'est vrai qu'ils traînent une sale réputation depuis longtemps, mais il faut reconnaître que cette réputation, c'est surtout en Europe occidentale, c'est pas vrai dans toutes les civilisations. Exactement, c'est vrai que chez nous, enfin, c'est surtout avec la culture chrétienne, le corbeau, c'est celui qui se nourrissait des cadavres, donc c'était très mal vu, forcément. J'ai lu, il y a même pas très longtemps, une anecdote qui m'a fait rire. En fait, à l'époque, ils pensaient que le cri du corbeau, qui s'appelait crasse, crasse, en fait, crasse en latin, ça veut dire demain. Et pour les moines, en fait, c'était le corbeau était une représentation du fainéant qui remettait tout au lendemain. Et c'était pas du tout déontologique. Enfin, c'était pas du tout des animaux agréables pour ça. Et c'est vrai qu'ils sont associés au champ de bataille, au fait de se nourrir de cadavres, etc. Donc ils sont pas beaucoup appréciés. Valérie Dufour, sur cette image très négative du corbeau, c'est une image qui est très naturelle pour nous, mais qui, encore une fois, pour le coup, est très très occidentale et très liée effectivement à la culture chrétienne. Oui, alors il y a beaucoup de références au corvidé, mais de manière mondiale en fait. C'est ça qui est très intéressant, c'est que probablement dans toutes les cultures, le corbeau ou les corvidés en général ont eu un certain, enfin ont été associés à des mythes. Mm-hmm. Et chez les Inuits, par exemple, ils sont l'espèce qui a permis la création du monde. Donc là, ils ont un impact sur les Inuits, enfin sur les histoires des Inuits, qui est pas du tout le même. Et ils sont très bénéfiques. Ils ont modelé l'argile, ils ont créé des hommes avec des grains de sable. Donc là, ils sont très, très positifs, très bénéfiques. Il y a les deux grands cordeaux de Odin aussi dans la mythologie nordique qui représentent la pensée et la mémoire et qui sont plutôt des figures assez positives pour Mugin le coup. Mugin et Mugin. Voilà, tout à fait. Oui et non. Alors oui, donc Mugin et Mugin. Voilà. Et le problème, c'est qu'ils sont perchés sur l'épaule d'Odin. Et Odin, bon, il fait confiance aux hommes, mais il se rend compte que des fois, les hommes, ils font des choses un peu dans son dos. Donc du coup, il envoie ses oiseaux pour espionner les hommes. Donc c'est pas si positif que ça parce que effectivement ils sont doués de pensée et de mémoire et ils peuvent rapporter à Odin les petites bêtises, on va dire des humains, les secrets, les pensées des humains. Donc les humains apprécient pas forcément d'être espionnés comme ça. Si alors je peux aussi si on remonte un peu dans le temps, il y a pourtant ça fait longtemps qu'on se doute et qu'on sait qu'on trouve dans plusieurs traces de la culture d'ailleurs littéraire ou populaire la préscience de cette intelligence particulière des corvidés. Donc les corvidés, on décrira tout à l'heure ce que c'est que cette famille en termes phylogénétiques. Mais si on cite la fable d'Ésope, la corvée et la cruche, on va voir que c'est une expérience qui a été reproduite il y a assez peu de temps. La corneille assoiffée désespérait de boire lorsqu'il lui vint une idée. Elle se saisit d'un caillou et le laissa tomber dans la cruche. Elle en mit un autre, puis un autre encore et ainsi de suite. Peu à peu, l'eau montait dans le récipient et bientôt notre corneille put étancher sa soif. Morale de cette histoire, persévérance et présence d'esprit nous permettent souvent d'obtenir ce que nous désirons. Agatha Liévin-Bazin, cette expérience, elle a été refaite il y a assez peu de temps. Et effectivement, les corneilles sont capables de remplir une cruche pour obtenir de la nourriture. Exactement, c'est vrai qu'en général, on leur laissait donc les cailloux, le fameux vase rempli d'eau et avec un verre qui flottait à surface. Et le seul moyen de l'obtenir, c'était de mettre des cailloux. Et ce qui est assez amusant, c'est que cette expérience a eu pas mal de succès. Elle a été reproduite aussi donc chez les enfants et chez les grands singes. Et il s'avère que les enfants n'étaient pas si bons que ça. Donc alors toujours, il ne faut jamais remettre l'homme au centre, etc. On n'est pas à la course de qui est le plus intelligent, il ne faut pas partir là-dessus du tout parce que ça ne serait pas le plus adapté. Mais c'est toujours amusant de voir qu'au final, il y a plein d'intelligences différentes et plein de manières de résoudre des problèmes et un corbeau est tout à fait compétent pour ce genre de choses. Et on va voir qu'on va souvent comparer au cours de cette heure l'intelligence des primates, l'intelligence des enfants et l'intelligence des corvidés. On va voir que parfois les corvidés sont meilleurs dans certaines expériences, dans certains domaines expérimentaux que les enfants en bas âge. Parlons-en justement, puisque le point de départ de cette émission, c'est une étude qui a été publiée mi-juillet dans la revue Science, qui montre donc que les grands corbeaux sont capables de planification. Vous pouvez nous expliquer en quoi consistait cette étude et cette expérimentation, Valérie Dufour ? Oui, alors donc les grands corbeaux ont été testés dans cette expérience sur une tâche où on leur proposait d'anticiper un besoin. Donc il fallait que une heure avant d'en avoir besoin, ils utilisent, alors c'est un peu moins d'une heure avant, mais bon, on va dire une quinzaine de minutes avant d'en avoir besoin, ils utilisent ils récupèrent un outil et le gardent avec eux pour pouvoir l'utiliser plus tard. Alors l'idée ici, c'est de savoir si le corbeau peut planifier. Et quand on dit planifier, c'est se projeter dans le futur, donc se voir dans le futur avec un besoin. Et donc pour le résoudre dans le futur, il faut déjà agir dès le présent. C'est nous dire, pour prendre un exemple chez l'être humain, c'est se dire « Ah bah tiens, ce matin, je regarde le ciel, il risque de pleuvoir, donc je vais prendre un parapluie. » C'est ça le mécanisme de planification qui nous semble tout à fait naturel. Et c'est ce qu'on cherche à reproduire chez le corbeau d'une certaine manière. C'est ce qu'on tâche chez le corbeau, sachant que nous, on va quand même prendre une information au niveau du temps, on va regarder le ciel, et puis on va dire « Ah, c'est un peu gris, il va peut-être pleuvoir ». Donc c'est pas vraiment de la planification, parce que on a déjà une indication que le besoin va se faire sentir. Par contre, la vraie planification au sens strict, c'est-à-dire là où on a vraiment une preuve forte que c'est de la planification, c'est quand on va, par exemple, noter sur un post-it le matin les courses à faire pour en prévision du week-end. On n'a pas besoin, on a encore des choses dans le frigo, on n'a pas faim, on vient de prendre son petit déjeuner. Et pourtant, on a déjà prévu qu'à 17h, on allait faire des courses, et donc on prend son porte-monnaie, sa liste, son sac de courses. Ça, c'est de la planification vraiment impressionnante, et l'être humain est très doué pour ça. Donc l'idée, c'est de voir chez d'autres espèces si on retrouve la même chose. Et donc comment ces grands corbeaux arrivent à planifier exactement, c'est-à-dire on leur donne un outil, on leur montre une expérience et ils arrivent à garder l'outil pour l'expérience qui va venir beaucoup plus tard, c'est cela ? Oui, alors il y a deux conditions. Alors déjà, on les a pas testés sur des choses dont ils sont familiers dans l'environnement naturel. Hein. Donc on les a testés sur des compétences qui ont pu être acquises au laboratoire, mais qui font pas partie de leur comportement naturel. On les a pas testés sur de la cache de nourriture, par exemple. Mmh. Donc on s'est dit, bah tiens, est-ce qu'ils sont capables, comme ils cachent et qu'on a l'impression que dans le milieu naturel, ils anticipent en fait beaucoup l'hiver, etc. Est-ce qu'ils peuvent vraiment planifier? Et donc on les teste sur des choses un petit peu moins écologiquement valide, on dit. Et donc, il y avait une tâche d'utilisation d'outils, donc il fallait récupérer un objet, et cet objet permettait d'ouvrir une boîte, et cette boîte donnait une nourriture. Donc, il faut laisser tomber l'objet dans la boîte, ça donne accès à une nourriture. Alors, on les entraîne à utiliser cet objet, et puis, un jour, on leur donne accès à l'objet, mais la boîte n'est pas là. Et puis, on leur propose la boîte 15 minutes plus tard. Mais s'ils n'ont pas récupéré l'objet au moment où on leur a mis à disposition, ben c'est trop tard, parce que 15 minutes après, il y a la boîte, mais il n'y a plus l'objet. Donc l'idée, c'est que l'animal, au moment où on lui met l'objet, donc on reteste le lendemain, hein, au moment où on lui met l'objet près du bec, enfin dans son environnement, il faut vite qu'il le conserve, qu'il le sélectionne. Hein, il y a plusieurs objets, on met des objets contrôle. Il prend le bon objet et en prévision d'un usage futur, qui risque de se produire 15 minutes plus tard. Voilà. Et donc ça, c'est avec une tâche d'utilisation d'outils. Et là, les corvidés ont eu des très bonnes performances. Hein. Ils ont presque tous réussi cette tâche. Et puis, on les a aussi testés dans une autre condition où là, on leur proposait un échange. Donc, c'est un peu le même principe. Il y a un objet, un seul parmi trois, qu'ils ont appris à échanger avec un expérimentateur humain. Et puis, bah, on leur donne les objets. Et on leur laisse voilà, explorer un peu. On les retire et puis 15 minutes plus tard, on leur propose bah, « Ah, au fait, si tu veux échanger quelque chose, j'ai de la récompense pour toi, donc propose-moi un objet. » Et donc si l'oiseau n'a pas gardé l'objet avec lui pendant les 15 minutes, eh bien, il ne peut pas l'échanger, donc il ne peut pas avoir la récompense. Mmh. Donc c'est une capacité finalement à se projeter dans le futur. Pourquoi c'est important à ce point-là? Parce que finalement, cette capacité de planification, Agatha Liévin-Bazin, on la trouve très très peu dans le règne animal. Alors c'est vrai qu'on a pu déjà le tester, alors ça Valérie sera plus au courant que moi sur les grands singes. Il y a eu des expériences qui ont été faites, d'ailleurs dont se sont inspirés ces auteurs. Mais dans cette expérience-là, ce qu'on n'a pas mentionné et ce qui fait aussi que c'est une expérience si marquante, c'est que comme le disait Valérie, il y a plusieurs conditions. Il y a une fois où on présente avec 15 minutes de séparation entre la présentation de l'objet et le moment où l'oiseau peut répondre à la tâche, mais il y en a une autre où il y a 17 heures entre les deux. Donc ça veut dire que la nuit se passe, l'oiseau en gros on lui donne la possibilité soit de choisir le jeton à échanger, soit les cailloux pour mettre dans la boîte, et il doit passer la nuit et le lendemain savoir que cette tâche aura lieu. Et au niveau de la durée temporelle, à mon sens, je me trompe peut-être, mais je pense qu'on n'a jamais eu une durée aussi longue chez ces espèces-là, et c'est aussi ce qui fait la force de ce papier, et c'est vrai que ça prouve vraiment que l'animal est capable de se projeter sur le long terme et ce dont on n'avait pas encore de preuves formelles. Valérie Dufour, vous qui avez particulièrement travaillé sur la compréhension du temps chez les corvidés, chez les grands corbeaux et les corneilles, c'est effectivement une étude importante qui fait date et qui montre à quel point on avait sous-estimé pendant si longtemps, même si on s'en doute depuis une vingtaine d'années, le spectre de l'intelligence, de l'intelligence, encore une fois, il faudra peut-être redéfinir ce que c'est que l'intelligence quand on parle d'intelligence animale, mais en tout cas, le spectre cognitif de ces corvidés. Oui, en fait, il y a deux choses. Il y a le fait que quand on s'intéresse à leur capacité à anticiper, donc quand on a besoin de quelque chose maintenant, on sait qu'il faut attendre un petit peu pour l'avoir. Bon, bah là, beaucoup d'espèces peuvent attendre, mais il y a besoin d'exercer un certain self-control. Et ça, tout le monde n'a pas cette capacité de se contrôler. Donc, vous avez ces expériences très marquées, enfin très très connues. Chez l'enfant qui doit attendre un marshmallow, et s'il arrive à ne pas le consommer, il en a deux dans 10 minutes. Bon, bah, moi, j'ai beaucoup travaillé sur ce genre de choses avec plusieurs espèces, y compris les corvidés. Et on a des échelles temporelles à 5, 6, 8 minutes maximum. Ça va pas très loin dans le temps. Les enfants ou les primates finissent par prendre la petite récompense au bout de 8 minutes avant d'attendre la grande qui arrive plus tard, c'est ça? Exactement. Et en fait, on a longtemps cru que les espèces animales autres que l'homme étaient bloquées dans le temps, donc n'avaient pas une perspective temporelle très très élaborée. On était à de l'ordre de la minute au maximum. Là, on se rend compte que c'est aussi un problème de self-control, c'est-à-dire que même si on peut envisager à 10 minutes, à 15 minutes ou à 1 heure, on ne peut pas forcément se contrôler très longtemps quand il y a de la récompense qui est en jeu. Donc là, dans ce papier, ils ont aussi montré que l'animal il était capable de refuser une récompense immédiate pour préférer un objet qui ne serait utilisable que 15 minutes plus tard. Et ça, c'est aussi très, très intéressant parce qu'il y a vraiment... c'est pas juste la motivation à avoir de la nourriture dans 15 minutes qui fait agir les animaux. Il y a une sorte de compréhension apparente, en tout cas, de la tâche et de comment la résoudre. Et donc, de la planification, parce que là, ils ont besoin de planification pour ça. Et l'autre chose qui est très intéressante, je pense, dans cette étude, c'est que moi, j'avais fait exactement les mêmes manips, hein, comparé avec une utilisation d'outils et une tâche d'échange chez des grands singes. Les meilleurs, c'est les orang-outans. Ça semble, ils arrivent à planifier. Alors, d'autres manips ont montré qu'ils pouvaient planifier aussi 24 heures à l'avance. Mmh. Les orang-outans, donc ça, c'est quand même, moi, ça m'a vraiment, vraiment étonné. C'est incroyable, ces performances. Et puis, par contre, ils arrivent plus facilement, moi, les chimpanzés, par exemple, que j'ai testé, réussissent mieux une tâche d'objet d'utilisation d'outils qu'une tâche de planification d'échange. Parce que quelque part, ils sont les seuls responsables de leur échec, donc ils travaillent vraiment sur la manière d'améliorer les choses. Dans une tâche de planification d'échange, si l'humain leur dit « Ah, bah donne-moi quelque chose », et qu'ils n'ont pas l'objet, bah, on sent une grande frustration, et on sent aussi un petit peu de frustration dirigée vers l'être humain, qui ne veut pas donner la récompense qu'il a dans la main. Et là, c'était plus difficile, en fait, d'avoir des animaux qui se concentraient vraiment sur cette tâche. Donc on avait des différences de performance. Et là, les corvidés, qui ne sont pas naturellement, en tout cas l'espèce testée n'est pas naturellement utilisatrice d'outils dans le milieu naturel, ni ne produit d'échanges comme ça, spontanément avec des humains, ou voilà, a pu adapter des capacités probablement déjà présentes à des contextes complètement nouveaux. Mmh. Et c'est ça qui est intéressant, c'est vraiment cette flexibilité. Donc il y a à la fois la performance temporelle, comme dit Agatha, hein, avec plus de 17 heures de délai et un succès néanmoins, et la capacité à être flexible et à adapter cette vision temporelle à des contextes complètement nouveaux. Et on peut préciser hein, que sur cette fameuse expérience du marshmallow, dans l'expérience de Stanford chez les enfants en bas âge, donc c'est-à-dire donner un marshmallow seulement et dire si tu attends plus de 10 minutes ou un quart d'heure, tu en auras deux, et effectivement les enfants échouent à 75% pour des enfants de 3 à 5 ans. C'est dire l'importance de la plasticité cognitive des corvidés sur la possibilité de planifier justement à long terme et d'attendre pour une récompense ou même juste pour un outil qui va permettre d'avoir une récompense, de la complexité de ce mécanisme cognitif, Agatha, Livin, Bazin. Oui, c'est vrai que du coup, c'est vraiment des résultats marquants. Et c'est vrai que pour revenir sur cette étude, c'est vrai que... Alors, elle a fait le buzz et elle a raison parce que c'est une très bonne étude, mais en fait, ça va affirmer plein de choses que l'on s'entendait. Parce qu'il y avait déjà eu une manip faite à Vienne qui montrait que les corbeaux étaient capables d'attendre pour avoir mieux, avoir une meilleure récompense. Pas une plus grande quantité de la même récompense, mais une meilleure récompense. Ça, on avait pu le montrer. Et c'est vrai que, par exemple, la deuxième partie de cette manip-là, avec, pareil, soit ils avaient la possibilité d'attendre 15 minutes pour avoir un outil, pour pouvoir résoudre la tâche, soit ils pouvaient attendre et avoir immédiatement la résolution de tâche. Et les résultats sont fous, parce que la dernière expérience où les animaux peuvent tout de suite obtenir la récompense en utilisant les outils ou l'échange, il n'y a aucune erreur. Tous les animaux ont réussi l'expérience. Donc c'est vrai que c'est des résultats vraiment impressionnants. Il n'y a pas de place à l'erreur, quoi. C'est pas du hasard. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et il est 16h18, vous écoutez bien la méthode scientifique sur France Culture. Nous parlons de l'intelligence des corvidés tout au long de cette heure avec Valérie Dufour qui est éthologue et qui est avec nous en duplex depuis Strasbourg et les locaux de France Bleu Alsace, et ici à Paris avec Agatha Liévin-Bazin qui est également doctorante en éthologie. À partir de quand a-t-on commencé, Agatha Liévin-Bazin, à s'intéresser précisément ou sérieusement en tout cas aux capacités cognitives des corvidés? Ça fait assez peu de temps, on le disait, mais ça a commencé quand vraiment? Alors là aussi, je ne veux pas être affirmative, mais je dirais que le gros boom, c'est le début des années 90. Il y a eu, enfin, en règle générale, moi je remonte encore avant, et c'est vrai que je dérive facilement sur les perroquets, mais c'est vrai qu'il y a eu un énorme boom à la fin des années 80 avec Irène Pepperberg et Alex le perroquet qui pouvaient parler. Et je pense que ça a lancé toute une dynamique sur les oiseaux où on s'est rendu compte qu'on sous-estimait vraiment beaucoup leurs capacités. Avant ça, dans les années 50, il y a eu quelques trucs sur les pigeons. Parce que ce sont des très bons discriminateurs, ils peuvent vraiment apprendre à différencier plein de choses au niveau des images, etc. Donc ils sont très bons pour ça. Mais au niveau des corvidés, oui, je dirais vraiment années 90. Par exemple, c'est milieu des années 90 qu'on a découvert que les corneilles de Nouvelle-Calédonie pouvaient utiliser des outils. Donc ça, pareil, ça a été une découverte vraiment très marquante au niveau de la recherche. Importante, ouais. Ouais. Valérie Dufour, vous-même, vous avez suivi, je le disais tout à l'heure, des études de primatologue. À quel moment s'est fait la bascule? Pourquoi vous avez commencé à vous intéresser aux corvidés précisément? Alors, c'est plutôt un hasard de rencontres de chercheurs qui travaillent sur les corvidés et qui me sollicitent sur un encadrement, l'encadrement d'une stagiaire. Donc à l'époque, j'étais en postdoc à Édimbourg. Et en fait, du coup, j'ai supervisé une étudiante et je me suis dit « Ah, mais c'est très intéressant, elle faisait des tests de permanence de l'objet. » Donc elle essaie de savoir si les corvidés pouvaient se souvenir qu'une récompense était présente quand elle était cachée sous un gobelet, par exemple. Et c'était assez fascinant parce que les oiseaux étaient très réactifs, très curieux, très intéressés. Bon, il n'y avait que deux corbeaux, donc c'était deux grands corbeaux. Et donc moi, je suis entrée au CNRS pas très longtemps après et j'ai eu la chance d'avoir accès à une volière de corvidés qui se trouve sur le campus de l'université. Et ça m'a permis en fait de relancer pas mal de petites études et de travailler de manière comparative. Donc je suis toujours primatologue. Je travaille toujours avec des grands singes et d'autres espèces de primates et j'essaie d'établir un comparatif avec des tâches qui sont identiques. Alors je vais aussi tester des enfants pour essayer d'avoir une espèce de petite accroche pour savoir à quel moment chez l'enfant une capacité est maîtrisée, on va dire, et est-ce qu'on peut avoir une espèce d'équivalence chez des grands singes adultes, par exemple, pour avoir une idée de ce qui se passe dans la tête des grands singes adultes. Et on va voir et on va discuter au cours de cette heure pour voir que le cerveau, évidemment, des mammifères et des corvidés ne sont pas tout à fait conçus pareil, ne sont pas tout à fait construits pareil et n'ont pas tout à fait la même superficie. On va en parler tout à l'heure, mais j'aimerais peut-être qu'on définisse un peu maintenant, avant d'aller plus loin, ce que sont les corvidés, parce qu'on a parlé de corbeaux, de corneilles, on a entendu d'autres noms d'oiseaux. C'est quoi exactement, Valérie Dufour, les corvidés? De quelle population phylogénétique on parle? Alors on parle du groupe, en fait, ils appartiennent au groupe des passereaux, donc des oiseaux chanteurs. Alors même si tous les oiseaux ne sont pas chanteurs dans le groupe des oiseaux chanteurs, c'est une famille finalement, dans la famille des corvus, des corvidés, on a le genre corvus, pardon, et les corvus c'est les grands corbeaux, les corneilles, le corbeau freux avec lequel je travaille beaucoup, on a les pies, le jais, voilà, donc on a plusieurs, enfin le jais n'est pas corvus, mais voilà, on a des corvidés qui sont en Europe, on a plusieurs espèces, 5, 6 espèces, 7 peut-être. Au monde, on a presque 30 espèces de corvidés. Hein, c'est vrai que les classifications changent un petit peu en fonction des époques. Mais on a un grand nombre d'espèces qui se ressemblent beaucoup quand même. Et avec des petits particularismes sur les modes de vie sociale, par exemple. Certains vont être très sociaux, très grégaires, vivre comme en colonie toute leur vie. Oui, mais justement, ça va être important, justement, cette notion de groupe, de vie sociale. Quelles sont les espèces les plus sociales dans ce... Voilà, vous avez, en Europe, en tout cas, vous avez le corbeau freux et le chouka des tours, qui sont très, très sociaux. Le chocard aussi, à bec jaune. Je vous retrouverai tout à l'heure. Agatha, tu peux m'aider si tu veux. Alors, au niveau des crafts, peut-être? Non, les crafts sont solitaires. Oui, voilà. Ils sont solitaires. Oui, c'est ça. Voilà, ils sont solitaires. Pardon. Mais les autres sont sociaux dans ceux que j'ai cités. Et puis après, vous allez avoir des groupes plus petits, donc des groupes familiaux. Les corneilles, par exemple, ou les grands corbeaux vont avoir plutôt une vie territoriale. Une fois qu'ils sont en paire, ils vont s'installer sur un territoire. Et là, ils vont avoir quelquefois, pendant certains temps, leurs jeunes avec eux. Mais ça va pas être tout au long de l'année, un grand groupe, comme chez du corbeau freux, par exemple. D'autres caractéristiques, Agatha Liévin-Bazin, peut-être. On en trouve à peu près partout sur la planète. Il n'y a pas vraiment d'endroit où on sait s'il y en a autant. C'est même parmi les plus répandus. C'est ça, on en trouve dans les corneilles, à part au pôle. C'est vrai que les corvidés, ils sont un peu partout. Ce qui rentre d'ailleurs dans une caractéristique pour montrer qu'ils sont capables de s'adapter à plein de milieux et à plein d'écosystèmes différents. Leur régime alimentaire? Alors, ça dépend aussi beaucoup des espèces. C'est vrai que c'est leur avantage. Il y a beaucoup d'espèces qui, justement, peuvent manger plein de choses différentes. On a toujours l'idée du corbeau qui mange de la viande, mais c'est loin d'être le cas. Par exemple, les corbeaux freux, on leur reproche beaucoup d'aller manger les semis dans les champs. Vous avez toutes les espèces sont omnivores ou pas? Alors pareil, là aussi, je suis plus certaine. Par exemple, les geais, pour moi, ils mangent principalement des petits insectes éventuellement, mais surtout aussi des parce qu'on l'appelle le geais des chênes. Ils se nourrissent de glands ou ce genre de petites baies ou de voilà. Et sur ces espèces, est-ce que alors parce qu'il faut le dire, quand on parle des corbeaux, les corbeaux qu'on voit en ville ou ici en France, la plupart des corbeaux, enfin ce qu'on appelle les corbeaux, sont en général des corneilles. Hein, les corbeaux, les grands corbeaux, sont des oiseaux très impressionnants et qui sont plutôt des oiseaux de montagne. Les grands corbeaux, donc Corvus corax, ils sont très rares en France. On les trouve en zone montagneuse. On en voit encore dans les Pyrénées, dans les Alpes, etc. Mais ça fait vraiment la taille d'un aigle. Donc quand vous dites corbeau, ça ne peut pas être un grand corbeau. Voilà. C'est ça. En zone urbaine, ce qu'on voit plus facilement, c'est donc la corneille noire, donc un oiseau entièrement noir, et les oiseaux avec lesquels Valérie travaille, les corbeaux freux, on les voit davantage dans les zones cultivées, et ils sont assez reconnaissables. C'est vrai que souvent les gens disent « Ah, on n'arrive pas à les reconnaître », mais en fait, les corbeaux freux se distinguent vraiment avec le fait qu'ils ont un bec clair, presque blanc, avec une trace, on voit leurs narines, alors que les corneilles ont le bec couvert de noir, de plumes noires. Et ces corbeaux ont été, en tout cas dans ces corvidés, il y a plusieurs espèces qui sont des espèces protégées, il y a des espèces qui sont des espèces nuisibles aussi, qui sont encore beaucoup décimées. Oui, c'est vrai. Alors en France, au niveau des espèces protégées, vous avez donc le grand corbeau. Mais en fait, toutes les espèces qu'on ne trouve quasiment pas. Donc, on ne les voit pas trop interagir. Donc, vous avez le casse-noix moucheté aussi. Vous avez donc le crabe, le chocard dont on parlait tout à l'heure. En revanche, et moi, ça m'attriste un peu, dans les 6 espèces d'oiseaux classées nuisibles en France, vous avez 4 espèces de corvidés. Donc, la pie bavarde, le geai des chênes, le corbeau freux et la corneille noire. Ce qui veut dire que, vu qu'ils ont le statut de nuisible, on peut les abattre à peu près n'importe quand dans l'année, en dehors des périodes de chasse. Alors, ces corneilles noires dont on a parlé, on les voit, et on les voit par ailleurs de plus en plus fréquemment en ville. On en voit beaucoup plus aujourd'hui, par exemple à Paris, qu'il y a 10, 15 ou 20 ans. Et s'il y a bien une personne parmi nous qui aime passer ses journées au parc à nourrir les oiseaux, c'est vous, Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas. Et oui, il donne du pain aux oiseaux, mesdames et messieurs. Vous êtes donc allé vous adonner à votre passion au jardin des plantes et vous avez été assez surpris parce que vous avez trouvé. Je suis allé avec mon sac de quignon de pain retrouver Frédéric Giguet, qui est ornithologue, professeur au Muséum d'histoire naturelle à Paris et spécialiste de biologie de la conservation. Tout au long de l'année, il capture et relâche des corneilles au jardin des plantes pour les baguer et étudier leurs déplacements, mais aussi pour comprendre leur comportement et leur mode de vie, le tout dans le but de les protéger malgré leur statut de nuisible. Vous l'avez dit, Nicolas, je suis allé à la rencontre de Frédéric Giguet dans les allées du Jardin des Plantes et surprise, à notre arrivée, on avait un petit comité d'accueil un peu spécial et très sonore qui nous attendait. Alors je me suis intéressé à cette espèce parce qu'on a beaucoup de personnes, notamment enfin, en milieu rural mais aussi en milieu urbain, qui considèrent que c'est un oiseau qui fait des dégâts, qui n'a pas sa place. Il y a beaucoup de programmes de régulation des effectifs, donc des captures pour destruction, en espérant et en pensant que ça va diminuer le nombre de corneilles et donc les dégâts en ville. Et j'avais l'intuition que en fait, cette méthode pour arriver à réduire les inconvénients avait peu de chances de marcher. Et donc, j'ai commencé à capturer des oiseaux pour les baguer, des corneilles, pour étudier leur déplacement, leur survie, pour savoir quel type d'oiseaux fréquentent les villes. Est-ce que quand on a 100 corneilles dans un parc, c'est toujours les 100 mêmes, jour après jour, tout au long de l'année? Ou est-ce qu'il y a une sorte de roulement avec des oiseaux qui bougent beaucoup? Et c'est en fait exactement ce qui se passe. On a surtout, dans ces grands groupes, des corneilles immatures, âgées d'un an ou de deux ans, qui ne se reproduisent pas, et qui sont très mobiles. Donc d'un jour à l'autre, vous avez dans un jardin où il y a 100 corneilles, vous allez avoir par exemple 80 corneilles qui vont rester, mais 20 qui sont parties, 20 nouvelles qui arrivent. Le lendemain, la même chose. Ce qui veut dire que si localement vous trouvez qu'il y a trop de corneilles et que vous mettez en place un système pour en tuer une cinquantaine sur quelques mois, elles seront immédiatement remplacées par d'autres si votre jardin reste attractif. Donc l'action à mener si on veut réduire le nombre de corneilles, c'est pas de les tuer, c'est de limiter l'accès à la nourriture qu'elles peuvent avoir, parce qu'elles viennent en ville et dans ces parcs parce qu'il y a des poubelles, parce qu'il y a des gens qui pique-niquent, des gens qui les nourrissent. Donc il faut absolument mettre en place un système de poubelle où elle n'est pas accès et informer les gens qu'il ne faut pas nourrir les corneilles si on veut qu'il y en ait moins. Comment vous vous y prenez pour les capturer? J'imagine que c'est pas si évident que ça. Est-ce que vous avez un système qui est bien rodé et comment ça se passe étape par étape? Alors j'ai plusieurs méthodes. La plus classique, c'est en fait la même que celle des chasseurs qui les capturent pour les réguler. C'est une cage piège avec un toit en forme de V au bas duquel il y a une sorte d'échelle. Donc on met soit un aplomb, soit à manger dans la cage. Les corneilles qui trouvent la cage descendent par cette échelle pour aller manger, mais ne retrouvent pas la sortie, car elle est trop étroite. Et donc, ça permet de capturer des oiseaux, de les marquer, de les relâcher immédiatement. Et une deuxième méthode que j'utilise, c'est ce qu'on appelle un net gun. C'est un petit filet projeté avec une cartouche d'air comprimé qui permet de capturer un oiseau particulier, donc des captures ciblées. Par exemple, si j'ai besoin d'un aplomb pour mettre dans une cage, ou quand je travaille sur les oiseaux agressifs qui sont signalés et que j'essaie de capturer pour les marquer, j'utilise ce système. En faisant tous ces travaux, j'imagine que vous avez appris pas mal de choses. Et là, racontez-moi un peu, parce que là, on est en train d'être littéralement... on est un peu encerclé par les corneilles dans le ciel, hein. Heureusement pour nous, pas autour de nous. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Elles vous ont reconnu? Effectivement, depuis maintenant à peu près 6 mois, il y a quelques corneilles dans ce jardin que j'ai dû essayer de capturer et que j'ai dû rater, je pense au net gun, qui me reconnaissent et qui, dès que je traverse le jardin, alarment, préviennent les autres et toutes les corneilles montent dans les arbres. Donc oui, c'est assez... assez intéressant. Je pense qu'elles n'ont pas compris que je faisais ce travail et que j'essayais de les capturer pour peut-être les protéger et les sauver. Elles considèrent que je suis un danger. C'est très impressionnant en tout cas, parce que depuis qu'on est arrivé et qu'on avance un petit peu dans ces allées, on entend ces cris d'alarme. Et vous m'avez parlé de comportements parfois agressifs et déviants. Et est-ce que vous pourriez m'en parler un petit peu chez ces corneilles-là et comment ça se manifeste, ces comportements? Alors bizarrement, surtout à Paris, je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres villes, mais... Sans doute l'air de Paris qui est un peu plus agressif, ouais, que d'autres villes. J'ai une autre théorie, vous allez voir, qui est quand même plus intéressante, enfin plus biologique, moins hitchcockienne. Ouais. Dans Paris, on a chaque année quelques individus, et c'est quand même pas beaucoup par rapport aux milliers de corneilles qu'il doit y avoir dans Paris, il y a 1, 2, 3 individus qui attaquent les gens. Alors c'est assez impressionnant, et les gens pensent que ça y est, c'est la fin du monde, ces oiseaux horribles... attaquent, descendent sur la tête, peuvent aller jusqu'à donner un coup de bec et même ouvrir le crâne qui saigne facilement. Si on regarde d'un petit peu plus près, ces cas d'attaque se produisent toujours à proximité directe d'un nid et le plus souvent au moment où les poussins s'envolent. Donc cette année, il y a un mâle dans le 13e arrondissement devant un bâtiment du ministère des Finances qui attaquait les gens, certaines personnes, pas toutes, c'est ça qui est intéressant aussi, mais alors ça je ne peux pas l'expliquer, mais tous les matins quand les gens rentraient au boulot, le midi quand ils partent manger et le soir quand ils repartent chez eux, ce mâle de corneille attaquait une personne ou deux en descendant sur elle, en donnant un coup d'aile, un coup de patte pour essayer de les intimider. Je suis allé sur place, il y a des tas de personnes qui passent juste sous le nid et qui ne sont pas embêtées. Et puis à un moment donné, au bout d'une demi-heure, il y a un monsieur qui passe en costume, un peu âgé, et hop, qui se fait attaquer. Voilà. Donc j'ai réussi à capturer cet oiseau, je l'ai marqué donc avec des bacs jaunes pour bien l'identifier, donc numéro 001 gravé en noir sur fond jaune, et j'ai ramené cet individu au jardin des plantes, je l'ai placé en volière pendant 5 jours, et je l'ai libéré le vendredi soir, au bout de 5 jours, il est retourné directement à son nid, et il n'a plus attaqué personne jusqu'à l'envol de ses poussins. Ce qui est intéressant derrière aussi pour moi, c'est d'essayer de comprendre pourquoi il y a un oiseau sur 100 ou sur 500 qui a ce comportement. Et l'hypothèse que je fais derrière, c'est pas que c'est l'air parisien, mais que ce seraient des oiseaux potentiellement qui ont été élevés par des gens. Ça arrive assez souvent, des gens qui trouvent une petite corneille, qui la ramassent, qui vont l'élever, qui la mettent sur l'épaule, qui lui font des bisous, qui lui donnent à manger à la main jusqu'à ce qu'elle soit grande. Une fois que l'oiseau est adulte ou plus grand, il est un peu embêtant et il va repartir dans la nature. Et ce type d'oiseau, potentiellement, va être en quelque sorte désinhibé de sa peur de l'homme. Et quand un homme va s'approcher trop près du nid ou du poussin, elle va considérer que c'est comme si c'était une autre corneille, ou un chien, ou un renard, et potentiellement va essayer de l'attaquer ou de l'intimider comme elle le ferait avec un congénère. Voilà, Antoine Beauchamp, vous pouvez reprendre votre sac de quignon de pain et aller au lac du parc Montsouris, nourrir les canards pour passer un bel après-midi. Oui, au parc Montsouris où il y a des corbeaux qui prennent des noix et qui les posent sur la chaussée à côté au feu rouge. À côté au feu rouge, on va en parler de quelques minutes de cette faculté des corvidés à s'adapter à l'environnement urbain et à utiliser des trucs effectivement comme les voitures simplement pour casser les noix qu'ils n'arrivent pas à briser eux-mêmes. J'aimerais avant ça, Valérie Dufour, Agatha Liévin-Bazin, entendre une réaction à ce que vous venez d'entendre et à ce reportage. Valérie Dufour. Oui, alors moi je suis assez d'accord avec l'analyse sur le fait qu'il y ait une réduction de la distance entre l'oiseau et l'homme, probablement parce qu'il a été élevé par un humain, cet oiseau, ce corbeau. Enfin, c'était une corneille, j'imagine. Et on a très très peu d'attaques sur les humains. Et puis même dans ces cas-là, en général, les oiseaux vont prévenir. C'est comme tous les animaux, on va d'abord essayer de défaroucher, de faire fuir. Et c'est vraiment quand la personne reste en dessous, semble vraiment gênante ou menaçante, que on pourrait avoir éventuellement un contact. Mais même là, vous voyez, c'est un petit coup de bec. C'est même pas un coup de bec. Il disait, c'était un coup d'aile ou éventuellement s'approcher près. Exactement. D'eux. Voilà. C'est de l'intimidation en fait. Donc à partir du moment où on écoute un petit peu les animaux et qu'on fait un peu attention et qu'on voit qu'on a un merle qui nous hurle dessus ou un corbeau qui nous rase la tête, on se doute que on est peut-être en train de déranger. Et là, la moindre des choses, c'est de s'écarter un petit peu. Ça me paraît juste du bon sens. Mais c'est vrai que des animaux qui ont été élevés par l'homme ont perdu cette distance et peuvent du coup passer un peu plus vite à l'étape suivante. Éventuellement, je pense que ça peut être une bonne hypothèse. Ouais. Agatha Liévin-Bazin, quoi de votre réaction à ce reportage et puis aussi pas seulement à cette fin de reportage sur les potentielles ou rares attaques, mais aussi sur la façon dont les corneilles du Jardin des Plantes ont repéré le danger et donc avertissent, enfin ce système d'alerte de groupe, donc finalement de d'intelligence de cohésion sociale. Alors oui, en plus c'est assez drôle parce qu'il y a pareil quelques années un chercheur qui a fait une expérience qui ressemble beaucoup à ça, un chercheur américain qui en fait mettait un masque qui représentait un personnage de la pop culture américaine, je crois, qui attrapait les corbeaux, c'était des corbeaux américains. Et en fait, il a fait des manips. Quand il se baladait avec le masque, avant d'attraper les oiseaux ne criaient pas. Et quand ensuite, il mettait le masque après les avoir capturés, mais systématiquement, les oiseaux l'avaient identifié. Et ils se sont rendus compte que l'oiseau faisait des cris d'alarme quand il voyait la personne avec le masque, jusqu'à 2 ans après sa capture. Et c'était là aussi une expérience qui a pas mal marqué la communauté scientifique, parce que ça montrait qu'ils avaient quand même une excellente mémoire et qu'ils se souvenaient pas de n'importe quoi, mais vraiment dans des situations aversives où on les avait attrapés, on les avait stressés, etc. Donc c'est assez marrant que M. Giguet ait rencontré la même situation dans ce genre de réponse, mais ça montre que les corneilles sont aussi balèzes que les corbeaux américains. Et Antoine Beauchamp lui met toujours des masques quand il va donner le quignon de pain. Oui, Valérie Dufour. J'aimerais quand même signaler, parce que j'étais retournée voir cette expérience, parce qu'on en parle souvent, et je trouve quand même qu'elle manque un petit peu de contrôle. Il n'y a pas assez d'animaux aussi. Il y a peu d'animaux, il n'y a qu'un seul visage. Et donc, moi, j'ai quand même des petites réserves sur la force de cette reconnaissance du visage humain. Voilà, je pense que ça vaudrait le coup d'aller voir, enfin, de continuer à chercher dans cette direction et voir si c'est vraiment... c'est vraiment carré cette trouvaille, parce que c'est pas une expérience qui a été faite de manière hyper hyper hyper rigoureuse, mais c'est très intéressant. Mais ça donnerait, j'aurais envie de continuer à chercher un peu pour répliquer en fait. Je pense qu'il y aura de nouvelles réponses du côté des Choucas, parce que à Exeter il y a un nouveau groupe qui s'est fondé et ils ont fait plusieurs manips avec des masques. Alors c'était pas tout à fait la même chose, c'était pour voir à quel point une direction de visage chez un humain, alors c'était aussi avec un masque, pouvait être prise comme une menace ou non par les Choucas. Et ça marchait plutôt bien, parce que quand le masque n'était pas orienté de manière inquiétante pour les oiseaux, ils ne criaient pas. Alors que quand c'était orienté de manière à regarder les oiseaux, les inquiéter davantage, ils réagissaient. Donc peut-être que dans les années à venir, il y aura de nouvelles données, de nouveaux résultats. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Believe in me. Mr. Jones des Counting Crows, les corbeaux qui comptent. Quoique Crows, ce serait plutôt les corneilles, parce que corbeau c'est Raven, enfin c'est convoyé. Bref, je laisserai ça à votre appréciation, Agatha Liévin-Bazin et Valérie Dufour. Vous écoutez la méthode scientifique. Nous parlons donc de l'intelligence, et pas seulement des corbeaux et des corneilles, de l'ensemble des corvidés, donc avec Valérie Dufour, chercheuse en éthologie dans l'équipe d'éthologie cognitive et sociale au CNRS à Strasbourg, et Agatha Liévin-Bazin qui est doctorante au laboratoire éthologie, cognition et développement de l'université Paris-Nanterre. Vous pouvez nous suivre comme chaque jour en direct sur Twitter, où nous postons des liens vers les études que nous évoquons, vers des vidéos, vers d'autres émissions ou d'autres podcasts pour compléter votre écoute de l'émission. J'aimerais qu'on parle dans les quelques minutes qui viennent, avant de parler peut-être plus de physiologie et de la structure cérébrale de ces corvidés, en tout cas de ce qu'on en sait, de l'influence de la composition sociale de l'intelligence des corvidés, et aussi peut-être de leur alimentation, de savoir comment ces deux traits de caractère ont pu éventuellement influencer leur développement cognitif. Agatha Liévin-Bazin, vous qui travaillez plus particulièrement sur la notion d'empathie chez les corvidés, est-ce que vous diriez que cette forme d'intelligence est avant tout une forme d'intelligence sociale? Alors oui. Enfin, moi, il y a plusieurs théories qui existent pour essayer d'expliquer l'émergence de ce qu'on appelle l'intelligence. Comment est-ce que des espèces se sont retrouvées avec des capacités qui sortent de ce qu'on appelle l'ordinaire? Et l'une des hypothèses qui moi, m'intéresse le plus, c'est l'hypothèse du cerveau social. Et qui expliquait que ce qui allait développer potentiellement la taille du cerveau par rapport au reste du corps, mais surtout les capacités cognitives, c'était d'être dans un grand groupe. Parce qu'être dans un groupe social, ça veut dire qu'il faut se souvenir des interactions des voisins, de qui s'est fâché avec qui, de savoir qui est le dominant, de savoir qui a quel rôle, etc. Et si en plus ce sont des animaux qui ont une durée de vie assez importante, ces échanges sont de plus en plus riches, variés, parce qu'ils s'étendent sur une longue durée temporelle. Et il s'avère, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, que les corvidés, ils ont pas mal de ces caractéristiques-là, c'est-à-dire qu'ils ont des associations sociales diverses. On parlait des choucas qui vivent en grande colonie, des autres animaux qui vivent en couple. On l'a aussi évoqué, il y a une autre sorte d'espèce, par exemple les pies azurées, qui sont ce qu'on appelle des cooperative breeders en anglais. Donc c'est-à-dire que vous avez un couple parental et vous avez des jeunes qui restent pour aider leurs parents. Et donc en fait, ça fait une espèce de grand groupe social qui interagit pour élever toujours les petits. Et en plus de ça, ce sont des individus qui peuvent vivre quand même assez vieux. On ne le dit pas, mais un grand corbeau, ça vit plus de 40-50 ans s'il ne se prend pas... 70 ans sur la Tour de Londres. Il paraît qu'il y a un grand corbeau de la Tour de Londres qui a vécu l'âge canonique de 70 ans. Valérie Dufour aussi, vous partagez ce point de vue d'Agatha Liévin-Bazin. En quoi finalement ces capacités sociales accrues représenteraient une forme d'avantage ou de sélection évolutive, selon vous? Ah, ça, c'est une question un petit peu compliquée. Mais allez-y, prenez le temps d'y répondre. Tout à fait. Ce qui se passe, en fait, c'est qu'on a longtemps cru que ça part un petit peu de nos compétences à nous, êtres humains. Donc, on a longtemps cru qu'on était les seuls à utiliser des outils. Et puis, on s'est rendu compte que chez d'autres espèces, finalement, ils pouvaient aussi utiliser des outils. Donc, casser des noix avec des cailloux chez les chimpanzés. Et les corbeaux aussi peuvent utiliser des outils. Et puis après, on s'est dit, mais la limite qui fait que nous, en être humain, on est vraiment mieux, on est différent, on a quelque chose de spécial, c'est peut-être nos sociétés et nos comportements sociaux. Et du coup, on s'est dit, on va aller voir chez les autres espèces aussi, parce que chez les primates, on a des sociétés complexes, régies par des liens, des relations entre les individus qui se croisent effectivement régulièrement, tous les jours. Donc on a les liens familiaux, on a les liens hiérarchiques, on a les affinités type amitié, on peut avoir des amis alors qu'on n'est pas du même monde, du même matriline, donc du même, de la même mère, voilà. Et pourtant, on s'entend bien. Voilà. Et récemment, on s'est dit, chez les corvidés, on a quand même des systèmes sociaux très complexes parce que, par exemple, même les espèces dites solitaires, donc qui vivent en couple ou en famille, ont passé une grande partie de leur jeunesse en groupes sociaux. Donc, vont être capables finalement d'affronter une compétition avec les autres, pour la nourriture, pour la recherche d'un partenaire. Ils vont devoir contourner cette compétition, et puis ils peuvent aussi coopérer. Donc on a ce qu'on appelle du mobbing, quand on chasse par exemple un prédateur hors du territoire, là on va souvent avoir plusieurs corvidés, plusieurs corneilles par exemple, qui s'associent et qui vont à 5 ou 6 pousser la buse hors du champ. Et donc on a des grandes diversités de relations sociales et qui sont complexes. Donc des amitiés, des liens privilégiés avec le partenaire sexuel, ça c'est sûr, le couple est très très important pour toutes les espèces de corvidés. On parle des corvidés, de monogamie. Hein, on parle de monogamie chez les corvidés, ce qui est aussi assez rare en termes de sélection naturelle, puisqu'on a tendance à penser que la polygamie, ou en tout cas la multiplication des partenaires, favorise justement la dissémination du patrimoine génétique, ce qu'on retrouve dans beaucoup, dans un très très grand nombre d'espèces, quel que soit le règne animal d'ailleurs, Valérie Dufour. Oui, tout à fait. C'est vrai que chez les primates, on va avoir des... Enfin, ça dépend des espèces, hein, bien sûr. On va aussi avoir des groupes familiaux ou des groupes multimâles, multifemelles. Mais à chaque fois, on va avoir un individu qui va, par exemple, chez les primates, prendre la dominance et avoir plus de possibilités de transférer son patrimoine génétique aux générations suivantes que le plus dominé qui, lui... Oui, donc le dominant a plus de chances que le dominé, qui lui a du mal à accéder à une femelle parce qu'il a une compétition trop forte et il fait pas le poids. Donc chez les corvidés, c'est un peu différent dans le sens où la plupart d'entre eux sont quand même associés à un partenaire, toujours le même, pendant plusieurs années. Ils peuvent se réapparier s'ils perdent ce partenaire, mais c'est vrai que ça, il n'y a pas une diffusion génétique à toute la colonie, ça marche pas tout à fait comme ça. Donc c'est un système différent et qui est très intéressant justement parce qu'il est différent. Et donc on se dit, bah tiens, si le système social influence les capacités cognitives, en tout cas parce que à un moment donné de la vie de l'espèce ou de l'histoire de cette espèce, il a stimuler les individus parce qu'il y a plus de problèmes de coopération, de compétition à résoudre, et que donc les plus intelligents, ceux qui ont survécu à cet environnement social complexe, ont réussi à survivre, ils ont forcément transmis ça aux générations suivantes, et c'est ce qu'on observe aujourd'hui. Mais est-ce que c'est les mêmes compétences qu'on trouve chez les corvidés, par exemple, comparées à des primates non humains? Est-ce que ça agit aux mêmes endroits ou est-ce que ça a eu les mêmes effets? Et ça, c'est vraiment intéressant. Il y a un débat encore aujourd'hui sur ce qu'on appelle la théorie de l'esprit, qui a été démontrée chez un certain nombre de primates, c'est-à-dire la faculté ou non d'attribuer des états mentaux à d'autres individus. Quand pensez-vous l'une et l'autre? Est-ce que c'est le cas chez certains corvidés, chez tous les corvidés, de pouvoir justement transférer ces états mentaux, de penser l'état mental de quelqu'un d'autre, d'autrui, Agatha Liévin-Bazin? Alors déjà, peut-être faire un tout petit rappel sur la théorie de l'esprit. Mmh. La théorie de l'esprit, c'est donc une théorie qui a été créée par des primatologues dans les années, je ne sais plus, 70, 80, je ne sais plus. Valérie Dufour. Oui, dans ces eaux-là. C'est pas très... Ouais. C'est pas très important. Voilà, et en fait, non, c'est pas très important. Il y a trois niveaux différents, et en fait, à chaque fois, l'idée de la théorie de l'esprit, c'est savoir ce qu'on comprend de ce que c'est, pense l'autre. Par exemple, le tout premier niveau, c'est l'attribution de perception. C'est être conscient que, on est entendu, vu, et on peut agir en conséquence pour ne plus être vu ou entendu en changeant son comportement. Par exemple, je me cache derrière quelque chose parce que j'ai pas envie d'être vu à un moment donné. Donc ça, c'est le premier niveau, le plus simple. Ensuite, il y a l'attribution d'intention. Donc ça veut dire que on peut comprendre qu'en faisant une certaine action, les autres congénères vont comprendre ce que j'ai l'intention de faire. Donc si moi je tends la main vers ma bouteille d'eau, vous allez comprendre que je veux prendre une bouteille d'eau pour boire. Donc ça, c'est le deuxième. Et le dernier, le plus compliqué, c'est ce qu'on appelle l'attribution de savoir. Et là, c'est plus compliqué parce que ça veut dire je sais que Alfred sait ça parce qu'il était présent au moment où on l'a évoqué, etc. Mmh. Sachant que là, on est toujours avec des animaux en non-verbal. Alors pour apporter ce genre de questions, la théorie de l'esprit, moi, c'est l'une des choses qui m'intéresse le plus. Mais c'est excessivement compliqué à tester parce qu'il y a plein de variables à contrôler. Mmh. Mais il s'avère que les corvidés sont d'excellents sujets parce que, comme on l'évoquait tout à l'heure, il y a beaucoup d'espèces chez les corvidés qui cachent leur nourriture. C'est-à-dire qu'ils vont prendre de la nourriture, ils vont le cacher dans un coin. Alors on a vu ça chez plein d'espèces de geais, aussi bien des geais américains, il y a le geais buissonnier, le geais d'épinède, on a le geais aussi, geais des chênes chez nous, les grands corbeaux qui cachent. C'est pas le cas des choucas, mais c'est un des rares. Et ils sont capables de cacher un nombre de graines extraordinaire. J'avais lu quelque part qu'un casse-noix avait caché quelque chose comme 30 000 graines. Et il avait été capable après de retrouver jusqu'à 2000 caches différentes, enfin sur des périodes des fois entre deux saisons, donc c'est quand même très impressionnant au niveau de la mémoire. Mais surtout avec ce comportement de cache, on s'est rendu compte que, par exemple, ces fameux corbeaux, quand ils étaient observés en train de cacher, ils allaient recacher ailleurs. Et il y a eu plein de tests, plein de conditions différentes, qui essayaient de tester ce que l'animal comprenait de ce que l'autre voyait et de ce qu'il allait faire ou non pour cacher cette nourriture. Alors, il y a un mot peut-être, Valérie Dufour, tout de même, sur ce débat autour de la théorie de l'esprit chez les corvidés en règle générale, et peut-être les grands corbeaux en particulier. Oui, alors du coup, on sait, je pense qu'on est tous à peu près d'accord pour dire que le corbeau, enfin presque toutes les espèces savent qu'elles sont vues, Donc elles perçoivent la direction du regard des autres et savent qu'éventuellement elles vont être vues. Donc effectivement, elles vont altérer finalement les caches, modifier leur comportement en fonction de ça. Par contre, il y a une étude assez récente de Bugnard et collaborateurs. Hein, c'est un groupe autrichien qui font vraiment des choses extraordinaires. Et eux, ils ont montré qu'un grand corbeau, quand il était mis dans une pièce avec un Judas, donc il y a un Judas, il a expérimenté ce que c'était qu'un Judas. Hein, donc il sait qu'à côté, à travers la porte, potentiellement, on peut le voir. Ben, il va se comporter différemment si le Judas est obstrué, donc s'il est bloqué, ou s'il est laissé libre. Et il n'entend rien, il ne voit rien, il ne sait pas s'il y a quelqu'un à côté, un autre oiseau qui pourrait l'observer, mais il part du principe que potentiellement il peut être observé, parce que le Judas, quand il est ouvert, ben, lui, il sait que ben, il peut voir à côté. Et donc, il va modifier ses caches en fonction de ce savoir. Donc là, c'était quand même une étude vraiment... alors toujours, il faut répliquer ce genre de choses, mais c'est une étude vraiment aussi signifiante pour moi que celle sur la planification. On a quelque chose d'extraordinaire en termes de théorie de l'esprit, parce que là, savoir que peut-être on est observé, c'est quelque chose encore plus compliqué. Oui, ouais. Bien sûr, c'est un parcours cognitif encore plus complexe, effectivement. Alors justement, pour conclure, dans la petite dizaine de minutes qui nous reste, j'aimerais comprendre comment est-ce qu'on explique, quelles sont les informations dont nous disposons à l'heure actuelle pour expliquer, physiologiquement en tout cas, ou en termes évolutifs, cet avancement particulier de ce groupe d'oiseaux, de cette famille d'oiseaux, par rapport aux autres populations d'oiseaux. Comment est-ce qu'on comprend justement ce développement, l'aboutissement de ce développement cognitif, Valérie Dufour ? Alors c'est un petit peu compliqué parce que pendant longtemps on a cru que les corvidés, les oiseaux en général, avaient je vais utiliser un gros mot, hein, surtout le répétez pas, mais avaient un cerveau reptilien, donc avec des tissus neuronaux ancestraux, on va dire, et donc un cortex qui n'était pas tout à fait le même que celui des mammifères. Et puis assez récemment, hein, dans les années 2000, on s'est dit mais en fait non, c'est le même type de tissu neuronal. C'est-à-dire que le cortex n'est pas organisé de la même manière, certes. Donc nous, c'est chez les mammifères, c'est en couche, hein, dans le cerveau, la partie corticale. Chez les corvidés, les oiseaux en général, c'est plutôt des noyaux qui se regroupent en fait, hein, des clusters comme ça de cellules. Mais pour autant, c'est le même tissu à la base, donc la vitesse de l'information, les cellules fonctionnent de la même manière. Et puis il y a les mêmes neurotransmetteurs. Donc au final, on a quelque chose de très efficace et tout aussi efficace que nous. C'est pas la même structure au départ, mais finalement, ça permet probablement d'avoir le même type d'efficacité. Et ça, c'est quelque chose qu'on connaît depuis peu de temps. Donc il y a beaucoup d'études en ce moment là-dessus. Ouais. Par ailleurs, on se demande toujours si la taille du cerveau, évidemment, importe et en tout cas est corrélée aux capacités cognitives. Il faut dire que la taille du cerveau proportionnellement à leur corps est relativement importante. En tout cas, c'est le plus gros chez tous les oiseaux, même si les oiseaux, c'est pas une capacité, c'est un grand terme, il faudrait plus utiliser le mot oiseau, mais pour simplifier un peu, en tout cas, Agathe Liévin-Bazin, les corvidés sont ceux qui ont proportionnellement le plus gros cerveau de tous les oiseaux. Oui, avec les perroquets. Avec les perroquets. Ouais. C'est vrai que c'est ce qu'on dit souvent pour marquer un peu les esprits, mais proportionnellement à la taille de leur corps, on estime que le cerveau des perroquets et des corbeaux, c'est celui d'un grand singe, d'un chimpanzé. Alors c'est vrai que les oiseaux, ils ont cette contrainte, ils ont le vol. Et donc, il faut gagner du poids au maximum. Donc, c'est vrai que les cerveaux peuvent paraître petits, mais en fait, comparativement à leur taille, ils sont quand même de taille assez impressionnante. Et il y a une étude qui est parue l'an passé, qui a essayé d'étudier justement les cerveaux de 28 espèces d'oiseaux, et qui a démontré qu'au final, au niveau du nombre de neurones, eh bien, les oiseaux avaient parfois autant, voire plus de neurones que les mammifères et les grands singes. Et on s'est rendu compte qu'en fait, c'était juste une organisation différente, notamment dans le cortex préfrontal, qui avait beaucoup de cerveaux, notamment chez corbeaux et chez perroquets, toujours eux, qui en ont beaucoup, voire plus que certains singes de taille plus ou moins équivalente. Et on s'était rendu compte que c'est ça, en fait, la différence, c'est pas organisé du tout pareil, c'est comme disait Valérie, hein, le cerveau d'un oiseau, il est lisse, il n'y a pas de les circonvolutions comme chez un mammifère, mais en fait, ce sont des neurones plus courts, beaucoup plus concentrés, et qui vont permettre des échanges vraiment rapides au niveau de la connectivité cérébrale. Et ça, c'est passionnant, et c'est, Valérie Dufour, je me retourne vers vous, c'est passionnant en termes évolutifs, parce que ça signifie quoi ? Ça signifierait que l'évolution de la cognition complexe, en tout cas, serait passée par deux chemins différents pour aboutir à des résultats similaires. Oui. Et en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est que pendant longtemps, on s'est dit, ah, mais est-ce que l'oiseau, ce qu'il fait, c'est pas quelque chose qui ressemble, mais qui n'a rien à voir? Et on a toujours pensé que c'était donc une analogie, effectivement, mais basée sur des mécanismes complètement différents. Et on se rend compte que oui, c'est une analogie, c'est-à-dire que la route, le chemin qu'a suivi l'évolution pour le cerveau des oiseaux et le cerveau des mammifères est pas tout à fait, c'est pas tout à fait le même chemin, c'est pas les mêmes routes, mais au final, les mécanismes impliqués ont beaucoup, beaucoup de ressemblances. Comme si, finalement, on n'avait pas vraiment le choix. Si on voulait que l'intelligence émerge ou des capacités cognitives complexes émergent, bah, il faut quand même avoir des points communs et des bases communes et qui sont voilà, des neurotransmetteurs en commun, des tissus neuronaux en commun. Oui, effectivement. Agathe Alliévin-Bazin, sur justement cette espèce de double chemin emprunté par l'évolution qui, là du coup, nous renseigne, je le disais au tout début de cette émission, sur l'apparition de la cognition complexe dans l'évolution de la vie sur Terre. Enfin, ça débouche sur d'autres champs de recherche qui sont absolument passionnants. Mais c'est vrai que ça laisse le champ ouvert à plein de choses très différentes. Et c'est vrai que moi, je trouve ça toujours bien de se prendre quelques rappels, de dire que l'homme n'est pas au centre et qu'au final, le mammifère n'est pas le modèle de référence. Et qu'au final, il y a plein de sortes d'intelligence qu'on est encore très loin d'avoir étudier. C'est vrai que là on parle des oiseaux et c'est vrai que là c'est un boom, plein de gens se rendent compte que les oiseaux c'est fabuleux et qu'on apprend plein de choses d'eux, mais il y a plein d'espèces dont on ne s'est jamais trop occupé, les reptiles ils sont capables de plein de choses aussi, il y a vraiment plein d'espèces qui ont des stratégies très intéressantes et qui ont pris des chemins évolutifs vraiment très différents. Valérie Dufour, peut-être un mot là-dessus aujourd'hui, là, où, jusqu'où quels sont les champs encore de la recherche sur les progrès ou les comportements cognitifs des corps vidés qui sont à étudier? Qu'est-ce que vous attendez d'apprendre dans les mois, dans les années à venir, ou dans quel domaine vous êtes en train de faire de la recherche vous-même? Alors, moi, je pense que ce qu'il faudrait faire, dans un premier temps, c'est répliquer quelques-unes des expériences les plus jolies dont on a pu parler aujourd'hui, parce que là, vraiment, ça mérite, hein, c'est vraiment incroyable, donc il faut répliquer. Mais avant tout, c'est essayer d'imaginer comment, avec un cerveau qui est pas tout à fait structuré pareil, comment on réfléchit, comment on pense, et c'est pas tellement la ressemblance avec les macaques ou avec des grands singes qui peut nous aider, mais plus la dissemblance. Et l'idée, c'est de mieux comprendre comment les oiseaux envisagent leur monde et comment de quelle manière ça diffère de notre vision du monde. Et ça, je pense que ce serait extrêmement enrichissant. Agathe Alliévin-Bazin, vous êtes en train de mettre une touche finale à votre thèse. Moi, c'est un petit peu mon cheval de bataille. Je me dis qu'il y a plein de choses encore à faire sur tout ce qui est le domaine de l'émotion. Alors, il y a encore plein de choses décriées et bien sûr, il faut prendre toutes les mesures nécessaires. Mais je pense que des individus qui ont une vie sociale si riche, qui peuvent avoir tellement d'interactions, etc., totalement mettre de côté le côté émotionnel, ça serait un petit peu dommage. Et puis on vient d'apprendre aussi que finalement, cervelle de piaf n'est pas une insulte, mais plutôt un compliment. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci beaucoup Valérie Dufour. Merci beaucoup Agathe Alliévin-Bazin. On peut retrouver sur votre site un tas d'informations passionnantes, le nitpi.com. Et également deux articles que vous avez signés dans ce livre assez amusant et assez passionnant, La science à contre-pied. Un article notamment sur les oiseaux. On en a aussi dans le ciboulot. C'est aux éditions Belin. Il y a une quarantaine de contributeurs, dont plusieurs youtubeurs qui sont venus autour de cette table. Voilà, on vous met tous les liens évidemment et toutes les références sur la page de l'émission et sur le fil Twitter @laméthodefc. Et puis merci bien entendu à nos confrères de France Bleu Alsace à Strasbourg pour le duplex. Et merci à toute la chouette équipe de la méthode scientifique. Antoine Beauchamp, Noémie Naguette-Saint-Vulfran, Ève Etienne, Céline Lausanne, Hugo Bartholoméi, Elisabeth Miro à la réalisation, Emmanuel Morse-Duncan à la technique et Jean-François Souvilly au droit d'auteur. La suite de vos aventures sur France Culture, tout à l'heure dans Le Grain à Moudre, la question du jour pour entamer la semaine. Carvé Gardette posera à ses invités, la nouvelle loi travail fait-elle du bien au dialogue social? Dans quelques minutes, juste après les informations, Le Mont-Saint-Michel, du sable au clocher, c'est la série documentaire qui vous est proposée tout au long de la semaine par Nejma Bouakra et Laurent Polleret. Pour ce qui nous concerne, eh bien demain nous irons ausculter un poumon malade et un poumon encore largement méconnu, comme vous pourrez l'entendre, celui de notre planète, la forêt amazonienne. Ça se passe demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.